Et l'âme nous avons Jésus, autant nos péchés et peines. Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Souvent nous perdons la paix, et nous la paix, nous portons la paix, et nous, parce que nous la apporter le meilleur consolateur à part en Jésus-Christ. Je serai satisfait tous les jours. Comme je marche près de toi. Que sa présence t'accompagne. Que la sainte présence de Dieu te côtoie. Que la sainte présence de Dieu t'approche à cet instant. Que l'atmosphère autour de toi. Le climat de la défaite. Le climat de l'échec. Le climat de la lourdeur. Le climat de la maladie. Le climat de la douleur. Le climat de l'incrédulité. Le climat de blocage. Le climat de prison. Que cela change. Dieu est capable de tout changer. Notre richesse, c'est la foi en Dieu. Content sur sa grâce à tout moment. Et nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Ouais, mais lui fait tout à notre place. À travers nos êtres. Nos faibles êtres. Nous avons fait tout. Réveille ta foi et crois en Dieu. Ressaisis-toi et crois en Dieu. Que ce matin tu prennes Dieu au mot. Il vit dans sa parole. Confirme toujours. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste. Nous venons devant toi au nom de Jésus. Sanctifie ton nom. Élevez ce nom. Reconnaître la pomme. Bénir ce nom. Acclamer ce nom. Adorer ce nom. Partager à ce nom. Parce qu'il est tout suffisant. Il est celui qui nous convient. Il nous guide. De nos procès. Nous avons fait le surnaturel. Nous allons au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, Christ et Dieu parfait, nous prions ainsi. Amen. Bongo. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'amour de Dieu. Jean chapitre 16. Nous prenons le verset 7 à 11. Tokozonzela kotanga sambu kino zomi na moko. Pendant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Nde nazali koloba solo na bino, nzambi, koye kabino litomba soki na kolongwa. Poete, soki na kolongwa te musungi akoye na bino te. Kasi soko na kokende, na kotinde la ye, epayi na bino. Ikoya ye, akopamela ba mokili nantina na masumu mpe nantina na boyenge bene mpe nantina na kosambisama nantina na masumu nzambi bandimingai te nantina na boyenge bene nzambi na kokendake pai na tata mpe okomonaka ngai lisusu te nantina na kosambisama nzambi mokolo na mokili oyo asilinge kosambisama. Osée chapitre 6 verset 4 à 6. Prophète Osée dans l'Ancien Testament. Chapitre 6, verset 4 à 6. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt s'y dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Hé, Ephraïm, na kosale la yo nini? Hé, Yuda, na kosale la yo nini? Nzambi, boyenge bene na bino, ezali lokola londende na ntango. Lokola mwamo oyo, ekoli mwaka, mba, ngomba, ngomba. Nantina yango, na beti bango na nzela na basakuli. Na bomi bango na nzela na maloba na mwana kona ngai. Kosambisa na yo ezalinde lokola moyi mokopalanganaka po ete nalingi boboto mbeka te nalingi boyebi koyeba nzambe liboso na makambo matumbami. Romains chapitre 1er Baloma mokapo ya liboso verset 16 et 17 nzela kotanga zomi na motoba pe zomi na sambo. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi que pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Yango, et la ligne Gouyan ensemble, Kobiki Sabangi Nyonso, Bayuda Libosompe, Bayela, la cola. Mpouette Boyenge Benen ensemble, et mon isami Polele Katina Yango, Boyenge Benayango, Boko Bimakana Kundima, Boko Benda Katino Kundima, le col est si Koko Mama Eti, Boyenge Beni, Akobika, Pona Kundima. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur. Souhaitons à tous et à chacun de vous, bienvenue à la table du Seigneur. Vous savez qu'à la table du Seigneur est servie la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur est la nourriture délicieuse. Nourriture pour nos âmes spirituelles. À tous et à chacun, bienvenue à la table du Seigneur. Et bon dimanche. Vous sentez bien? Vous allez comme malam. Êtes-vous heureux d'être ici? Est-ce que c'est ici votre maison? Est-ce que c'est ici chez vous? Ah ouais, mais oui, pas là. Que ce monde n'est pas chez moi. Le monde n'est pas chez moi. Mais ici, c'est notre église maison. Gabriel m'a dit que chacun de nous doit avoir une église qu'il appelle sa propre église. Une église maison. Dans le sermon, le discernement de l'esprit. Le discernement de l'esprit. Chacun de nous doit avoir ça. Vous ne pouvez pas forcément errer ça et là. Mais que chacun aille une église. Et c'est l'endroit où il paye sa dîme. Où il aide à supporter la cause de Christ. Aide, ne coupez pas la communion avec cet autre. Parce qu'il ne croit pas comme vous. Ne coupez pas la communion. Nous avons pas reçu le mandat de juger quelqu'un d'après le groupe auquel il appartient. Mais nous devons essayer de discerner l'esprit qui anime chacun. Et le but qu'il poursuit dans sa vie. Et le devoir que nous avons. Discerner l'esprit qui opère dans les gens. Et le but, les objectifs poursuivis par les gens. Et non pas juger les gens parce qu'il appartient à tel groupe de gens. Voyez, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide chaque jour. Alors, vous devez avoir une église maison. Le monde n'est pas chez moi, mais nous avons une église maison. Là où nous sommes à l'aise, là où nos soucis partent, là où nous sommes consolés, là où nous mangeons à notre faim, là où nous adorons notre Dieu à l'aise. Au-dessus de nos intérêts égoïstes. Bienvenue chez vous. Amen. Que la paix de Dieu inonde vos cœurs. Nous avons lu dans Romains chapitre 1er verset 16 et 17. Et je n'ai pas honte de l'évangile. Je témoigne, je confesse, je reconnais, j'avoue vraiment que l'évangile l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et que comme ça. Moi d'abord. Toi aussi. Que Dieu bénisse notre foi. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et pas des discours comme ça. Et pas des théories interminables. L'évangile, puissance, mais de Dieu. Pas de sorciers. Pour parler de sorciers, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Dieu est le créateur. Et la parole de notre Dieu est créatrice. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour le salut. Non pas pour le voyage, pas pour le visa, pas pour la richesse matérielle, pas pour des beaux mariages, pas pour des belles femmes et des beaux maris. Pour l'évangile, pour la puissance de Dieu, pour le salut. De quiconque croit. Voulez-vous entendre ça? L'évangile en tant que puissance de Dieu. Mise principalement essentiellement, fondamentalement, le salut de vos âmes. Amen, amen. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Pour votre salut, de quiconque croit, Marc chapitre 16, vous le savez bien. L'auteur de l'évangile. Le promoteur. Il a dit au verset 15 et 16. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ce qui est dit la bonne nouvelle, c'est le même mot que évangile que nous avons lu dans Romains 1. Parce que dans la prédication sur le lever du soleil, le qui apporte la révélation de la fin. Il a dit, qu'est-ce que l'évangile? Et il répond, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Paul parle de l'évangile dans Romains 1, le verset 16. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les ministères, l'autorité unique et suprême de tous les ministères, le seul chef qui a autorité sur tous les ministères, le Seigneur des ministères, car il y a un seul Seigneur et diversité de ministères. Aucun ministère n'est soumis à un autre ministère. Tous les ministères, chaque ministère est soumis à un seul Seigneur. Car en Corinthiens 12, je l'ai dit, est-ce que vous l'employez aussi? Corinthiens 12 dit quoi? C'est la parole, Corinthiens 12, verset 5. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères. Mais est comme ceci, il y a un même Seigneur pour chaque ministère. Ça c'est tellement vrai là. C'est tellement vrai, vous le savez. Et dans Matthieu chapitre 23 ici, une autre vérité revient là-bas. et de ceci. Matthieu chapitre 23. Matthieu 23. Je vais le pharisien verset 7 à 1 à 12. Les pharisiens, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Des assoiffés des titres et des honneurs. Des assoiffés de la popularité. Ils aiment à être salués dans les places publiques. À être appelé par les hommes Rabbi, Rabbi, pharisiens, des hypocrites, des religions d'apparence pour impressionner les humains et les semblables, mais leur cœur est loin de Dieu. C'est à Dieu que nous devons plaire d'abord. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Qui dit amen? Ne vous faites pas rappeler Rabbi, car un seul est votre maître. Vous connaissez son nom? Et vous l'entourez, vous êtes tous frères. Oh, ma Dieu m'a appelé à ceci. Moi, Dieu fait ceci. Moi, je ne suis pas comme tous les restes. Diversité de ministères. Diversité de services de don, mais un seul maître. Connaissez-vous son nom? Notre Seigneur et Maître, c'est Jésus-Christ. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Au lieu de vous battre pour des titres, au lieu de vous quereller pour des qualifications, des titres et des fonctions, donnez priorité plutôt au service, au travail à faire. Moi je suis ceci, moi appelez-moi ceci, je suis serviteur de Dieu, je suis un homme de Dieu, moi je suis pasteur, moi je suis docteur. Ne perdez pas votre temps. Concentrez-vous sur le travail. Travaillez le travail pour Dieu. Laissez la guerre des titres aux pharisiens. La guerre des honneurs d'être qualifié de ceci. C'est le révérend docteur intérieur. C'est le révérend pasteur, c'est là. C'est le tout grand apôtre que ceci. Concentrez-vous sur le service. Faites la volonté de Dieu. Arrêtez de chercher les qualifications. Car ce sont les pharisiens qui se perdent dans la fin. Et à la fin, ils n'auront rien. Parce qu'ils n'ont rien compris. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Au lieu de vous égarer dans des histoires, concentrez-vous sur les tâches sacrées. Faites ce que Dieu attend de vous. Faites ce que Dieu vous envoie faire. Êtes-vous là? C'est cela. Alors, le Seigneur de tous, c'est Jésus-Christ. Vous savez, dans Jean chapitre 13, il nous a donné un exemple d'humilité. Et il leur a lavé les pieds. Et après l'avoir fait, il est dit ceci, Jean 13, verset 13 et 14. Vous m'appelez maître et seigneur, les deux. Et vous dites bien, car je le suis. Il est à la fois maître et seigneur. Parole de Jésus-Christ dont nous parlons. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Et si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Sommes-nous d'accord que c'est Jésus-Christ le maître et le Seigneur? Il est l'unique, il est le seul pour nous amener. Il est l'unique, il est le seul pour les ministères. Quel que soit leur impact, leur grandeur, leur ancienneté. Les réputations, tous les ministres ont un seul chef, un seul maître, un seul seigneur, et son nom est unique, Jésus-Christ. Qui dit amen? Dieu n'envoie pas des acolytes d'autres prédicateurs. Et Dieu établit dans le ministère un fanatique qui a pour rôle de fanatiser un autre ministère. Et Dieu n'établit pas de pareils renégats. Et c'est toi, la prédication, une délivrance totale. Ne fait pas de demi-prédicateur. Un homme appelé de Dieu. Que ce soit dans la prédication, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Les prophètes nous montrent que Dieu a une école de formation pour les hommes qu'il utilise dans son service. Et là où il forme ses serviteurs, ce n'est pas un quelconque séminaire rattaché à une quelconque organisation, une quelconque dénomination de cette terre ici. Mais là où Dieu forme ses ministres, ses serviteurs, c'est là où il est. Il le forme là-haut. Et il les envoie ici-bas. Qui peut dire amen? Ce sont des hommes comme vous. Mais leur formation ne vient pas de la terre. Leur formation vient du ciel. Et tant monté en haut. Amen. Et il a pris un don de sang. Ensuite, il a donné le secret à lui qui est monté en haut. Il a pris les hommes là-bas. Il les a pris là-haut. Et il les donne à l'église. Il a pris en don les hommes. Mais d'où vient-il? Et d'où vient-il? Ephésiens 4, verset 10 et 11. C'est ce que Jésus fait là. C'est l'écriture. Il commit le commandement et du nouveau testament. Il commit, il colonne à l'économie et la commande. On commence par citer une écriture, le psaume, l'Ancien Testament. Paul, on va dire, nous portons la calice, on va dire, on va dire, on va dire, on et puis, il ajoute la vérité du Nouveau Testament. Parce que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et prophètes. Voyez là. Donc vous prenez Ephésiens chapitre 4, verset 8 à 10. C'est lui qui est monté, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les écoles. Est-ce que vous le recevez? Vous allez le voir, maman. Vous le reconnaissez? Vous allez voir, maman. Et tous ceux-là ne sont pas votre Seigneur. Aucun d'eux n'est votre Seigneur. Aucun d'eux n'est votre Seigneur. Chacun d'eux est votre serviteur. Et aucun d'eux ne doit se prêcher lui-même. Mais chacun d'eux doit prêcher Jésus-Christ le Messie. 2 Corinthiens 4 encore. Pour la parole de l'Évangile, moi je n'en ai pas honte. Laissez-moi le dire sincèrement, ouvertement. Je n'en ai pas honte. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Christ Yesu, yé ne kolo. Biso penza, pozali baombo, mpona, bino, bobele pona Yesu Christ. C'est celui Jésus Christ, dont il est écrit, dans 2 Corinthiens 3. Yé Yesu Christ, comment mi kuna na bakoli chami bale mo. Au verset 6, il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bobele yé Yesu Christ. Na molongo ya motoba yempe abongisi biso ete toza la basali na kondimana na sika oyo ya mibeko mikoma mite kasi oyo ya molimo celui qui donne aux hommes la capacité d'être ministre yende azali kopesa ke pona batu makoki akoza ministre de la nouvelle alliance mosali oyo ya kondimana na sika ka mon n'avez pas cette capacité soki bakoki yango ozali na ngo te il deviendrait semblable à des prédicateurs qui mangissent. C'est papa en Zambé. Tout ce qu'ils savent, c'est de dire c'est moi qui m'en vais dire. Et la Trinité dans les trois fils de Simon Kimbangu. Et la réincarnation dans Simon Kimbangu qui a gagné. Celui qui est là comme chef représentant légal et chef spirituel de l'église qui m'invite, c'est moi qui m'envoie qui en a une. C'est la réincarnation de Simon qui m'envoie le père. C'est à côté de Simon qui m'envoie tata, yo qu'on va dans la carte et Simon qui m'envoie qui en a une. Oh yo, Azalina qui am. Et parce que c'est la réincarnation, lui qui est là-bas, en Gamba, yo Azalina qui est en Gamba, dans le nouvel Jérusalem, et Dieu. Donc on a eu Azalina qui est en Gamba, réincarné. Simon qui m'envoie tata, yo qu'on va dans la carte et en a une. Bêtise sur bêtise. Rien à voir avec les anciens de Dieu. Et là, comment vous si vous n'avez pas cette capacité, venez de Dieu pour être ministre de la vie. Vous allez perdre votre temps comme des prédicateurs branamistes. Qui parlent de lire là-bas. Et que Paul a dit que Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent chaque sabbat. Donc là, bango bako tanga bobele sika o Paul on va kete. Parce que azali na bateau parce que c'est écrit les gens qui prêchent Moïse. Bako peta kam ndondo na kolobe ke talete bato pe kote. Non, il y avait des gens qui prêchaient Moïse, nous on se prêchons Branham. Donc là ça qui na bateau va dans côté Moïse, tu sois pas dans côté Branham. Ce sont les gens ça. Et zari na bango ba. Ils n'ont aucune capacité ministérielle. Dans la nouvelle alliance. Comprenez que Moïse était ministre du ministère de la mort. yete na poni mana na sika basa farate mate asara ki mosali kari la poni la reske non l'esprit tango ayaki na makomi kasi mwa lesu kasi we pe makomi ya bomba l'esprit est venu à la Pentecôte kasi mwa limo ya ina nkisa pour donner la vie au brebis wana kopesa bomba ina bapate la loi n'a rien amené à la perfection yo pepo emene alo komo mpate na kobo ngabe mais le sang de Jésus Christ imakile na gaspati il parle mieux que celui d'abord il déclare ceci et le bipo yé par il sur le froid nantele na il a amené à la perfection pour toujours qui sont sanctifiés. Nous sommes sur la meilleure alliance basée sur les meilleures promesses. On a de meilleures espérances. Et bon, vous êtes le ministre de la nouvelle alliance. Pas des prédicateurs de la mort qui distribuent la mort. Ils disent, Moïse a des prédicateurs qui le prêchent. Dans chaque ville. Et le nouveau de Moïse a fait de nous prédicateurs de plein âme. Nous le parlons, nous avons établi des prédicateurs de plein âme. Branham lui-même n'était pas prédicateur de lui-même. Branham lui-même était un prédicateur de Jésus-Christ. Qui y a le ministre que Dieu a établi. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont mal compris. Et on les passe de fond et de travers. Notre Seigneur a été qualifié à tort et à travers. Cela ne nous étonne pas. Notre capacité vient de Dieu. Ceux qui se sont fabriqués eux-mêmes prédicateurs, ils montent à la fer. Ceux qui essayent de semer les troubles dans le dessein de Dieu. Dieu a un plan et il a des gens qu'il a prévu pour différents services. Je ne peux pas finir comme ça. Entrez dedans et puis dire, je suis prédicateur de Branham. Et utiliser un passage de travers. Je n'envoie pas des fanatiques des autres. Je n'envoie pas des incapables prêcher. Mais il envoie des gens qui il fait confiance. Ils ne trahiront pas l'évangile. Ils ne ruineront pas les intérêts du royaume. Ils seront fidèles au poste. Pour défendre les principes fondamentaux. Jésus. Le principe d'un seul homme, Jésus. Dans le serment et tu ne le sais pas. Le Brenham a dit que les hommes d'aujourd'hui sont mous. Le Brenham a dit que et je n'ai pas un sou de s'en perdre avec un esprit mou et lâche. Au lieu de prendre la parole de Dieu, préfère faire des compromis. Il dit mais où sont ceux de la trempe d'Abraham Lincoln. Montrez-moi un homme qui peut défendre un précis. Où sont ceux de la trempe d'Adam Kessi. Montrez-moi un homme qui peut défendre le principe. Il dit, oh Dieu, en tant que prédicateur de l'évangile, laisse-moi défendre le principe de cela. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà frère Branham. En tant que prédicateur, il réclame la miséricorde pour défendre les prédicateurs. Il ne défendait pas ses propres principes. Il défendait les principes de Jésus. Et ce ministre que Dieu a établi, il le rendrait capable. Est-ce que vous aimez ça? Vous aimez ça vraiment? Alors, nous avons dit que Paul a parlé de l'évangile. Ça doit donner vie à tout ce qui s'émerge. Même si ces affaires commencent à périr, l'évangile vivifie et l'accueille. Tout ce que l'ennemi détruit, tout ce que l'ennemi essaye d'attaquer, l'évangile défendra ça. Parce que tu es un héritier, un ayant droit de la gloire. Il nous donne le salut de la joie. Il vous engendre, vous régénère, vous donne le Saint-Esprit. Oui. Il est fidèle à cette promesse. Est-ce que tu lui amènes du cœur? Est-ce que tu te sens heureux et béni? Par ça, les malédictions sont brisées. Les trônes des démons sont renversés. Le Satan est renversé. La gloire du Seigneur est renversée. Parce que le nom du Seigneur est pour ceux qui croient. Rejetez les doutes et l'incrédulité. Rejetez la peur et les soucis. Rejetez les inquiétudes et les embarras. Voyez que Jésus-Christ est votre lumière. Sa gloire et sa force. Sa joie et sa paix. Son amour et son bonheur. Salut de son âme. La délivrance son nom est mon ami du calvaire. Jésus présent, il soutient le juste cause. Il soutient le juste combat. Il ne perd jamais courage. Il y a l'offrant. Il y a ses guerriers. C'est pour venir chaque jour. Et dans le point de parole de mon corps, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Paul a parlé de l'évangile. Paul a dit que c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque. C'est pour le salut de quiconque croit. Et lui qui croit sera sauvé. Tu as le salut par la puissance de Dieu. Un salut qui change ton caractère. Change ton influence autour de toi. Tu changes ta manière de voir le monde. Tu changes ta manière de considérer les autres. Tu mets l'amour dans le cœur. Dans le cœur des gens qui te haïssent. Celui qui apporte le pardon. Qui ose les rancunes dans le cœur. Qui ose les insignes. Vous croyez Dieu? Amen. Vous jamais sur l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et de la puissance de l'évangile. Pour le salut des chrétiens. Vous dites premièrement, c'est du grec ainsi. En lui l'évangile, révèle la justice de Dieu. Par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est sa foi sereine. C'est sa foi sereine. C'est sa foi sereine contre l'ennemi. C'est sa foi s'oppose à chaque démon. À chaque péché, à chaque maladie, à chaque épreuve, sa foi est victorieuse. Comme a prêché Frère Branham, c'est notre victoire. Amen. La foi se marche. Amen. Garde la foi se vaincre. Ah, de que pour la foi c'est ma victoire. Sur le monde entier. Les situations de la vie. Les situations du présent. Les situations du futur. La foi c'est ta victoire. Je veux que le juste vive par la foi. C'est cela. Arrête de douter. Arrête de citer. Arrête de murmurer. Arrête de te plaindre de ton sort. La foi, c'est ta victoire. Il montre tout ce qui s'est déplacé. Non, ce qu'on a dit, bonsoir. Vous êtes comme un matériel. Moubayango. Longayango. Amen. Sans victoire. Tout ce qui va se dresser devant. Non, ça y est, peut-être la Dieu de Josué a dit, dame de Josué a dit, tout seul que fleurera la plante de vos pieds. Que ça prenne un jour et je vous colle ou deux ans à ta boule du bas se soumettre et pour toi qui s'en restez vous sur la promesse de Dieu. Quel est Nul ne tiendra devant toi. Non, pas tant de mon cher Emmanuel. Fortifie-toi. Et prends courage. Je vous prie. Ce sont livres de promesses. Et que vous voyez les mouches. Ne pas parler ta bouche. Et que ne vous soutenez pas votre. Rilez jour et nuit. Tendez un mot, vous tournez un mot. N'en devinez vos gilets droits. Tendez un mot, vous parlez de l'époque. Alors que tu réussiras dans tout ce que tu as fait. Mais bon, nous parlons vraiment sur le monde de mon sal. Dieu de Jésus, c'est le Dieu de l'Évangile. Et un homme, il est le Dieu de son message. Est-ce que tu es fier de prendre le message? Et que ça veut dire que comme ça, c'est pas le bon. Et tu crois correctement? C'est pas le bon. Et je vais faire son esprit à toi. Amen. Je vais pas faire le bon. Après, ça fait aujourd'hui. Et que tu peux pas faire le message ici. Le Saint-Esprit, la prédication de l'Évangile, est que vous voulez me faire apporter le Saint-Esprit à l'église. Est que vous voulez me faire apporter le Saint-Esprit à l'église. Oh, la ligne, voilà la mouganaïe. Ah, amen. Pour moi, dit, semaine, on s'ouvre à la témoin. Ah, alléluia. Semaine, on a gossé le nango. Amen. Pour que ma bataille, mais c'est nous avons. Tiens, alléluia. Et on peut profiter, à profiter. Alléluia. Non, Dieu. On a encore raté, à raté, naïe. C'est la dernière semaine. Pas sur la souka. Parce que mon guide va nous prier sa souka. Ah, le bête, c'est souka dans ma caméra. Oh, yo, et ça prie. Oh, le souka tombe là. La souka, il faut la faire d'une chose que son commencement. Mais là, mon souka, il y a l'autre pour la période de l'hiver. Le souka est possible à la gare de soloté. Mais là, il faut comme la réalité de la vie. Amen, amen, amen. Expérience, témoignage. Il dit que tu perds les têtes. Mais là, alors là, comme ceux de la maison de Corneille, et pour le Brésil dans l'esprit de Dieu. Pardonne-moi. Je ne veux pas rater ce malheur. Je suis de mon âme. Je suis souffert dans les certitudes. Je suis marché dans les suspens. Quand l'esprit de Dieu peut venir, mais la parole que tu m'envoyais m'a rapproché à grands pas du Seigneur. Je ne peux pas retourner à 60. Je ne peux pas entendre parler du Saint-Esprit. Je veux le recevoir. Amen. Je le donne à ceux qui lui demandent. Amen. Je le donne à ceux qui lui obéissent. Je prends l'obéissance pour faire son message. Je comprends le message pas si dans mon vie pas la salle. Tu ne sais qui croit ces choses. C'est pour le salut de votre âme. On m'a dit pas. Je n'ai pas honte pour l'évangile. Pas les femmes dans la vie. Pas de sa malade. Et comment la prière? Est-ce que l'évangile fait des problèmes avec sa malade? Et qu'est-ce que Jésus a dit dans la bonne nouvelle? Je suis démarre de faire. Je pense que je suis démarre de faire. Et l'esprit qui se mouvait au-dessus des autres. Et qu'il se mouvait au-dessus de l'Assemblée. Et il prend la parole. Il prend là-bas et on lui donne le bout, tout est harmonieux. Il y a un son merveilleux. Il fait bouillonner le cœur. Il apporte la joie et brise la terre. Il peut oublier le souci de la terre. Parce que ceci est comme le ciel pour toi. Alléluia. Dieu plus près de toi. Il a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croit. Et qui sera baptisé. Qui sera quoi? L'évangile c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ a parlé de la bonne nouvelle. Et son apôtre Paul a parlé de l'évangile. On dit que ce n'est pas honte de l'évangile. Arrivé la puissance de Dieu. Quel que soit le degré de ta séduction. Tu es libre dans le péché. De ta rétrogradation. Les engouements qui pèsent sur toi. Il y a en lui la puissance pour détruire tout ce qui s'est détruit. Ça ne peut pas être ça, juste les intérêts du Seigneur. Il y a ça en lui pour détruire tout ce qui se range. Et ça lui fait qu'il y a un mot. Ça ne peut pas être ça, juste les intérêts du Seigneur. Pour détruire tout ce qui te fait souffrir. Et juste les intérêts du Seigneur. Il y a la puissance de l'évangile. Pour te donner un plein salut. La rédemption dans la totalité. Et dans la joie. Et le promoteur de l'évangile. Le propriétaire de la Bible. Le propriétaire de la parole. Le propriétaire de notre message. Il a dit, allez par tout le monde. Reçois la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Et qui sera baptisé. Moi je ne veux pas de celui qui ne croira pas. Mais la parole a au moins prévenu. C'est celui qui ne croira pas sera condamné. Mais je parle pour exciter la foi. Pour que je te croie. Je t'encourage très très fortement. À croire la bonne nouvelle. Croire l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il n'y a pas meilleure entreprise que l'évangile de Jésus-Christ. Et l'entreprise est la plus attrayante. Celle qui a beaucoup de succès. C'est l'entreprise du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux être engagé là-bas? Enrôlé dedans. Alors repensez-vous. Attendez-vous, soyez baptisé dedans. Au nom de Jésus-Christ. Pour la rémission de vos péchés. Pour recevoir la promesse du Seigneur. Il a relevé pour vous. Pour vos enfants. Pour tous ceux qui sont là. Pour ce grand homme que le Seigneur promet. Paix à celui qui est prêt et paix à celui qui est loin. C'est la paix du Seigneur qui inonde ton cœur. Vous avez entendu et compris l'évangile? Alléluia. Amen. C'est exactement ça. Yangouane. Et en lui l'évangile, Katinaïe est révélé la justice de Dieu. Or l'évangile est prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde. En ce qui concerne la justice. Comment le monde connaît-il ce qui est juste? C'est par l'évangile. Comment le monde se fait de finir injuste? C'est par l'évangile. Qui prêche l'évangile? C'est le Saint-Esprit. À travers divers ministères. Établi par lui. Oui, il est destiné par lui. Pour lui en tant que terre. Avant la fondation du monde. Et manifester chacun. Autant de Dieu pour s'arrêter. Parce que nous, Dieu prêche le Saint-Esprit. Vous pouvez votre part là-dedans. Oui, je lis Pierre chapitre 1, en rappel. C'est moi qui prêche l'évangile. Le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde. hein, depuis mercredi, nous sommes en train de tourner autour de ce passé-là. Je suis un esprit convaincant de la justice. Et première partie, mercredi, deuxième partie, vendredi et aujourd'hui, troisième partie. Le Seigneur est convaincant de la justice. Voilà. Avant de voir le péché et le jugement. D'abord la justice ici. Une priorité. Voilà. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Oh, Zambazan Angolé Bélé. Et Bombani Meké. Amen. Et bon belé au bon zambé. Amen. Ngolou et bomba melande. Basakoli. Baluka qui fait que tout n'a qu'à pone le pico yango. Bango basala kola qui vous son pour abino na ngolou et komona na kanabino. Ndambe ngolu yango azali nango mingi koleka abombi na mususu azali pe na ngolu pona yo kolokola. Est-ce que ce matin tu sens vraiment qu'il a une grâce pour toi? Mais comment vous êtes en l'air fait? Vous allez faire la catastrophe en l'air. Il a ouvert un peu de robinet de cette grâce. Amen. Il est en ce monument bouquet. Il est en train d'en déverser sur vous. Père, mais qu'on soit pas comme vous en mettre du coronavirus. Pour nos chances, il n'y aura plus de bénédictions. Il y aura plus de bénédictions. Le goutte de grâce tombe sur nous. Mais nous réclamons le pluie. Mais déjà le goutte qui sent que la grâce de Dieu est là. Dieu est pour moi qui sera contre moi. Ngombe azali pona ngai nani be akopilo selo pour moi qui sera contre moi. Chaque impolo azali pona ngai. Le l'évangile me révèle qu'il est pour moi. Tang malamu na yaka kota ni sete ye azali pona ngai. Ata ubi mini banda kutone ba mangune. Mais l'évangile montre que le Seigneur est pour toi. Amen. Tang malamu na yaka kota ni sete ye azali pona ngai. Quelle grâce! Ngoli! Yano lengeni. Dieu en a en réserve. Nzambe azali na ngombe na oya po ba ko ngombe ya ngolu esila katena ngai ngai ndebo na bino baba nanu esilite ko sila pe e pa le bambe na ngai e bombe le wana ezanyo na ba doze beli esila katoki une grande quantité de grâce pour moi. Et que ngolu mingi pona ngai. Ça je le crois comme ça pour moi. Ngai na zali ko ni mbongo pona ngai. Toi aussi sois mon imitateur. Yo pensala mu mekoli na ngai. La grâce de Dieu pour toi. Dieu en a encore en réserve. C'est elle qui t'a, t'empêche de faire le mal. Qui te bloque quand tu veux faire les impiétés. Quand les chrétiens te proposent le cop. Les mafias, la corruption, le mensonge, la fraude et tout ça. La grâce de Dieu te bloque. C'est elle qui te freine, qui t'empêche de le faire. Dieu en a réserve. Dame, quand les mauvaises compagnies s'attirent au milieu d'eux, ce qui va dire que les mauvaises compagnies s'empêchent. Et là, comment les mauvaises compagnies s'attirent? C'est pas juste de suivre au sens que tu es pris pour t'empêcher d'aller là-bas. Et c'est ma cambozelle qui fait grâce de Dieu pour cela. Et c'est un bon moment de travailler. Dieu en a réserve pour ses appelés. N'ayez pas mis les dames à l'île pour la bien gamine. Alors, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Ils voulaient sonner l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont il serait suivi. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, aujourd'hui, ce matin encore. Amen. Amen. Amen. Ceux qui nous ont prêché l'évangile. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Envoyé du ciel. Amen. Et dans lequel les anges de vivre plongent les regards. Amen. Basta poli. Baluka qui fait. Batuna qui pona. Yobiko yango. Bango. Basta pola qui libosom pona ngolu. Ako komela kabino. Batuna kisoki molimo na Kristo azalinde komonisa ka elaka nini ko elaka na motindo nini. Ye azalaki kati na bango. mpe azalaki kotalelaka liboso mpona mpasi na Kristo mpe mpona kembo ekoya nsima na yango bakomaki koyeba ete bazali komisunga bango mpenza na makambo oyo te kasi bazali nde kosunga bino mpe sasa ipi basili nde koyoka yango polele na minoko na bango bakosakolaka bino sango malamu basalaki boye mpona molimo mosantu oyo etindamaki longwa na likolo banje mpe bazali na mposa na kotalaka kati na makambo oyo tango batongo bazali kotia sango malamu la bible déclare que les anges désirent plonger les regards bibli elobi ete banje mposa ete babwaka liso ils sont curieux d'entendre ce que les fils de dieu entendent ete bazali na mposa ete bayoka oyo bana na nzambe bakoyokaka Il voyait un petit David à la chair, prêchant de toute force, se pongonnant et criant à plein gosier. Mais qu'est-ce qu'il stimule comme ça? La joie du salut. L'amour de Dieu dans le cœur. L'assurance et la foi. Notre Dieu est certain. Donne la puissance à l'île sans la parole est infaillible. Il n'y a pas ça m'a passé. Les promesses sont infaillibles. Il a canaillé quoi ça m'a passé. Je vis dans la parole. Donne à Zalikati de l'Obanaïa la parole. Je suis heureux d'être l'un des croyants. Nazalina et Samuel Zalamoko Katina Bobandimaka. Amen, amen. Le Saint-Esprit prêche l'évangile par les hommes qui l'ont suscité. Et lui vient pour convaincre le monde en ce qui concerne la justice. Mais cette qui s'est révélée dans l'évangile. Dans Romains au chapitre 3. Écoutez ce que dit l'écriture. Romains chapitre 3. Verset 19 à 22. Romains 3, verset 19 à 22. Alors nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tu l'as dit, Eti. Ce qui est bien, il est dit, Cambonine. Il est dit, Pona Bango Bazali Nansé, Namibeko. Ete, monoko nyoso ni kangama. Mpe ete, bato na mokili, mobimba. Baya na esambe lolo na nzambe. Car, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Amen. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mpe ete, moto mokote a kolonga liboso na yon po na misala na mibeko. Ntina ete, kososola masumu. Mais maintenant, aujourd'hui encore, dans notre temps même encore, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Ça, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Ça, ça y est. Attends, pour qu'on le fait, n'a pas mis ça. N'est-ce pas, mon benenaye, n'a li panda, n'a li beko. Attends, pour qu'on peut pas s'accoli, batatola qui pour la yango. Boyenge benenayango, n'a zambé, et zalim pour n'a pas ni mignon, n'a zela n'a pas dima, yeso, Christo. Pouete, au kabwana, et zali n'a kachamboti. Quiconque croit, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Par rapport à ce critère, la foi, il n'y a point de distinction. Et quand tu crois, Dieu se justifie par la foi. Quel que soit ton âge, ton grand, ta langue maternelle. Quel que soit ton passé, et la chance de l'intimité du passé. Dieu se justifie gratuitement par la foi. Il te pardonne et se tient pour innocent. Amen. Et allez bon bonde. Il y a plein de distinctions. Mais basé sur l'appartenance politique. Sur les couleurs raciales. Ou les origines tribales ou claniques. Nationales ou continentales. Il y a plein de distinctions. L'évangile vient pour convaincre le monde entier. La loi est venue pour faire taire tout le monde et dire vous êtes tous coupables. Mais l'évangile vient pour réhabiliter tout le monde. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. La loi est venue donner la connaissance du péché. Et ça, ferme la bouche de tout le monde. Et ne jurez pas de païen. Et nous, nous ne pas. Et Dieu a imposé son silence à tous. Pour ensuite faire miséricorde à tous. Pour que personne ne se glorifie. Comme s'il pouvait se sauver soi-même. Et pas sa connaissance ni quoi. Mais chacun a eu besoin de la miséricorde. Oh, pensée divine. Profondeur de sa richesse. Chacun a eu besoin de sa miséricorde. Pour être délivré de ses liens. De toute malédiction. De toute servitude. La foi, c'est ta délivrance, c'est ta foi. Tu crois à la même grâce. Que le Dieu de Pierre et le Dieu de Paul. Le Dieu de Paul, c'est aussi le Dieu de Branham. Et le Dieu de tous les chrétiens, il n'y a point de distinction. Nous prêchons Jésus-Christ. Et nous sommes vos serviteurs. Par la grâce de Dieu. Nous prêchons le salut qui est en Jésus-Christ. Et quiconque croit sera justifié. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 3, Paul qui a saisi cette révélation de la justice de Dieu. Alors qu'autrefois sa religion pharisienne l'enflait d'orgueil et de vantardise pour les œuvres de sa appartenance ecclésiastique et tribale. Philippiens 3 verset 4 à 9. Moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le peux bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né des hébreux, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Atakungai moko, nabongi kochela nzoto motema. Soki motonani, akanisete abongi kochela nzoto motema ngai na likie. Nakatama kinge na mukolo na mambe. Na uti na libota na isalele na ebolo na banyamina. Na zali muebele kati na baebele. Mufalisai po na mibeko. Mwenyokoli na lingomba pona etianga na zanga ekweli mpona mwenge benibozali kati na mibeko. Mais ces choses qui étaient pour moi de grâce, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Kasi, sopa na zalaki na litomba na makabu yango, na tangi yango, yoko pamba, bobele pona Kristo. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel je renonce à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Nazali kotanga biloko nyonso pamba pona likamboli le kimaramu koleka yango koyeba Kristo Yesu kolona ngai. Pona ye, nabungisi biloko nyonso pe nazali kotanga yango nyonso bobele nyeyi ete nazo Kristo lokola mikromba. Elle doit être trouvée en lui, non avec ma justice. celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen, amen, amen. Bête, na mona makati na ye, na zali na boyenga bena na ngai mokote, oyo euti na mibeko kasi, yango euti na kondima Kristo, yango boyenga bena euti na nzambe pona kondima.